Another day, Possible. Maybe not. Probably no. Thank you. quiet. Yeah.

Ça reste brouillon en l'état. Mais quel état? Dans quel état? C'est où? Dans quel état sommes-nous? Confinés. Un manque d'espace, d'oxygène. Pour vraiment calmer. D'accord. Suis d'accord. Sur cette suite d'accord. Balancé. D'accord. Sur cette suite d'accord. D'accord. Tu sais que je suis. On pourrait tomber d'accord. D'accord. Tu sais que je suis d'accord. Je suis. On pourrait tomber d'accord. Cette suite d'accord. Tu sais que je suis. Tu sais. Eh, les mecs, vous avez pas l'oreille. Hein. Comment? Je suis pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Encore. d'accord, pas d'accord, ça change pas grand chose, à moins que t'aies quelque chose à dire différent. Suite d'accord, je suis d'accord, sur ces suites d'accord, mais envie peut-être. D'accord, ok, je suis d'accord.